1688 paraissent les caractères de La Bruyère, dans lesquels on trouve une traduction des caractères de Théophraste, qui était un disciple d'Aristote, et des compositions originales de l'auteur, afin d'ancrer ses réflexions dans ce qu'il appelle les mœurs de ce siècle. Ce siècle, c'est le XVIIe siècle. 18 ans auparavant paraissaient les pensées de Pascal. 23 ans plus tôt, les sentences et maximes morales de La Rochefoucauld. Jean de La Bruyère, lui, est de son propre aveu moins sublime que Pascal et moins délicat que La Rochefoucauld. Mais ses caractères sont un miroir tendu à l'humanité pour la dépeindre dans ses moindres détails. L'égoïste, le distrait, le solitaire, le snob, tout le monde se retrouve et s'y retrouve, pour le pire et pour le meilleur, dans cette comédie humaine qui semble déplorer la vanité de l'existence et la médiocrité de l'homme de ce siècle et de toute éternité. Le monde entier est un plateau de théâtre. Et tous les hommes et toutes les femmes ne sont que les personnages de la pièce. Ils font leurs entrées, leurs sorties, et chaque homme y joue plusieurs rôles. Car la pièce a 7 actes, qui sont les 7 âges de la vie. D'abord le bébé, pleurant et bavant dans les bras de sa nourrice. Ensuite l'écolier, pleurant avec sa figure bien lavée du matin, se traînant à contre-cœur, comme un escargot, sur le chemin de l'école. Puis c'est l'amoureux qui soupire, comme une fournaise, en composant une mauvaise ballade en l'honneur des sourcils sa belle. Puis le soldat, plein de jurons étranges, moustachu comme un léopard, jaloux de son honneur, prompt et hardi à la querelle, qui va, poursuivant la bulle de savon de la gloire, jusqu'en la gueule des canons. Et enfin, c'est le juge qui s'avance, dans son beau ventre bien rond, bourré de bons chapons, l'œil sévère, la barbe fleurie, débordant de vérités premières et des dernières nouvelles du jour. Le 6e âge vient alors, et le transforme en une sorte de pantin maigre, en pantoufle, lunettes sur le nez, vaste bajou, aumônière au côté, perdu dans les hautes choses du temps de sa jeunesse, bien conservé, mais trop large, hélas, maintenant, pour ses jarrets fondus. Sa grosse voix mâle est redevenue grêle comme celle de l'enfant, rend un son de fossé et chevrotte. Enfin, la dernière scène, celle qui termine cette histoire, fertile en événements étranges, c'est la seconde enfance, l'oubli pur et simple, sans yeux, sans dents, sans goût, sans rien. Bonjour Patrick Dandré. Bonjour Adèle Vendrette. Vous entendez ces roulements de tambour qui annoncent votre venue? Je suis très fier et plein de gonflement de moi. La Bruyère va m'en vouloir. Le rideau se lève pour faire place à votre voix, puisque vous êtes avec nous à distance depuis chez vous. Vous êtes également professeur émérite à la Sorbonne et vous avez entendu, comme nous tous, cet extrait de Comme il vous plaira, la pièce de Shakespeare. Ici interprétée par Maurice Ténac, le monde entier est un plateau de théâtre. Tous les hommes et toutes les femmes ne sont que les personnages de la pièce. Ils font leurs entrées, leurs sorties et chaque homme y joue plusieurs rôles. C'est un constat qui pourrait s'appliquer au projet de La Bruyère dans les caractères, non ? Effectivement, c'est le modèle du théâtre du monde qui a eu beaucoup de succès durant la Renaissance, au début du XVIIe siècle, et qui est repris par La Bruyère, qui, alors que Montaigne disait « lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre », pourrait dire « lecteur, tu es toi-même la matière de mon livre ». Le modèle du théâtre du monde consiste à penser que Dieu est un spectateur universel qui nous regarde jouer notre comédie. Alors de temps en temps, il y a un homme un peu plus à l'écart des autres qui s'assoit à côté de Dieu et qui nous regarde aussi. C'est le cas de La Bruyère. Et si j'avais envie de paraphraser le long texte de Shakespeare que vous nous avez fait entendre, je prendrais cette remarque de La Bruyère qui le condense un peu. Il n'y a pour l'homme que 3 événements, naître, vivre et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, il oublie de vivre. Et avec cela, je crois que vous avez dit à peu près toute la philosophie de La Bruyère. Alors on pourrait la qualifier de quoi ? De pessimiste, si en fait c'est ça qu'il dit, c'est que ça, on n'a pas demandé à naître et on va tous mourir. Oui, comme il disait aussi, il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. C'est pas vraiment optimiste, n'est-ce pas? Non, c'est vraiment compliqué. Et puisqu'il est question des bébés chez Shakespeare, déjà, je vous livre pour terminer cette chose, enfin pour terminer... Non, on commence. Non, on commence, c'est vrai. Cette remarque sur les enfants, c'est tellement charmant. Ah, c'est enfants. Horrible. Oui, voici ce que dit La Bruyère. Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, moteurs dissimulés. Ils rient et pleurent facilement, ils ont des joies immodérées et des afflictions amères sur de très petits sujets, ils ne veulent point souffrir de mal et aiment à en faire. Ils sont déjà des hommes. Vous voyez, je crois que le présent est triste, mais l'avenir n'est pas non plus sûr. La Bruyère, pour moi, c'est un Cioran en perruque. Un Cioran en perruque assis à côté de Dieu, vous l'avez dit tout de suite. Exactement. Même s'il n'était de sa vie qu'un malheureux bourgeois de Paris, on peut dire un mot de lui tout de même pour dire d'où vient cet homme, oui, qui était né au milieu du siècle, en 45, et bourgeois, bon, il avait fait des études d'avocat, un héritage lui avait permis d'acheter un office, c'est-à-dire une fonction de fonctionnaire, en somme, d'employé de l'État, qui anoblissait, c'est-à-dire qui préservait des impôts. En 1673, il a été un peu ruiné par un vol qui a eu lieu chez lui, et en 1684, l'amitié de Bossuet, nous sommes là dans un milieu qui est très caractéristique de La Bruyère, grand chrétien, le fait entrer comme précepteur du petit-fils du grand Condé. Alors voilà encore un enfant, c'était un jeune homme, qui n'avait pas véritablement beaucoup de qualités, puisque La Bruyère lui-même dit qu'il ne réussissait pas à enseigner grand-chose à cet élève qui avait un peu de peine à s'appliquer. J'adore la litote. Et que cela retarde le projet de ses études. Nous venons d'entendre Xavier de Bauduit nous parler des écoles, oui, gallo-romaines où l'on était si savant. Je pense que pas le petit-fils du grand Condé. La Bruyère dit « Je ne sais autre chose que lui inculquer fortement et souvent ». J'aime beaucoup « fortement et souvent ». Quand on a été professeur, on comprend ça. Les endroits de l'histoire, de la géographie et des généalogies dont il est tout à fait nécessaire qu'il soit instruit. Heureusement, le grand Condé est mort quelques années plus tard. Et en 88, l'élève en question, devenu l'héritier en second, Monsieur le Duc... Duc de Bourbon. ...n'avait plus de précepteur, donc. Et La Bruyère a pu devenir tout simplement gentilhomme de Monsieur le Duc. Ne me demandez pas à quoi il servait. C'est ce que nous appelons un emploi fictif. En gros, ça correspond à cet emploi qu'avaient dans ma jeunesse les enfants de chœur, qui étaient si nombreux autour des prêtres que certains n'avaient aucune fonction, on les appelait des pots de fleurs. Alors je dirais que La Bruyère était pot de fleurs chez le prince de Condé. Et payé pour l'être, visiblement. Et payé pour l'être, oui. Bien, je n'en suis pas très sûr, mais payé convenablement. Et ça lui donnait surtout un observatoire qui était l'observatoire de la cour. Mmh. Puisqu'il avait sous les yeux la cour de Condé, à commencer par le successeur du grand Condé, Monsieur le Prince, qui était, dit Saint-Simon, le fléau de son plus intime domestique. Alors, Saint-Simon, ça veut dire... Vous avez cité Saint-Simon, là? Oui, je cite Saint-Simon, oui. Le prince de Condé était vraiment l'horreur absolue pour sa maison, son plus intime domestique, c'était La Bruyère, et La Bruyère, effectivement, était assez malheureux à cette cour. Il le disait d'ailleurs à sa façon, il disait « La cour ne rend pas content, elle empêche qu'on ne le soit ailleurs ». C'est très profond, mm-hmm, ça. Mm-hmm. Ou encore, je vous le livre, c'est un jeu de mots, sans déflorer ce que vous direz mercredi avec Delphine Amstutz sur la cour, car je crois que vous parlerez de la cour mercredi. C'est ça. Il disait, la cour est comme un édifice bâti de marbre, je veux dire qu'elle est composée d'hommes fort durs, mais fort polis. Et ça, vous voyez, c'est presque un jeu de mots, et c'est la drôlerie qu'il y a en La Bruyère. D'ailleurs, le fait d'être à la cour et de l'observer, ne signifie pas que La Bruyère était un homme d'un présent qui aurait disparu pour nous, car cette cour était un abrégé d'humanité, et on peut dire que La Bruyère, en observateur des mœurs de son temps, en homme du présent immédiat, s'est fait, je dis pas le chroniqueur, mais le moraliste. Alors voilà. Contemporain. Peut-être arrêtons-nous sur ce mot, puisqu'on, oui, commence à peine cette série d'émissions sur La Bruyère et ses caractères. Nous avions, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, à ce même micro, parlé de Saint-Simon, consacré toute une série d'émissions à Saint-Simon, oui, que l'on qualifiait volontiers de chroniqueur. Ici, La Bruyère, on parle de moraliste. Que signifie être moraliste et quelle différence avec le projet des mémoires de Saint-Simon? Alors, le moraliste est celui qui se tient à mi-distance exacte entre... Enfin, l'homme de caractère comme La Bruyère est celui qui se tient à distance exacte du moraliste, qui, en quelques maximes courtes, incisives, condensées, fortes, laissant beaucoup de silence autour du bruit qu'elles font, qui est celui d'un astéroïde écrasant la Terre, donne de l'homme une image achevée en quelques mots. Et puis, ça c'est La Rochefoucauld. Ça c'est La Rochefoucauld. Et puis, à mi-distance, d'autres choses qui est l'homme de récit, le fabuliste, La Fontaine, ou je dirais le romancier qui met en scène des personnes qui sont vivantes et dont il décrit le personnage sous la forme d'un caractère, si l'on peut dire, mais d'un caractère en action, un caractère inséré dans une trame narrative. Alors, chez La Bruyère, on est entre les deux. Ce n'est pas la trame narrative, je dirais, c'est le fichier de tout grand romancier psychologue, voyez, c'est-à-dire les fiches avec les différents traits d'observation. On a l'impression que La Bruyère se promène avec un carnet de notes dans sa poche et qu'il voit des choses et il les relève pour les donner brutes. Je prends un exemple justement. Je parlais tout à l'heure de la cour. Vous allez voir comment la cour lui donne des idées qui sont pour l'homme universelles et qui sont des idées observées. Je me demande d'ailleurs si ce que je vais vous dire ne s'appliquerait pas, je ne sais pas, à la grande famille de Radio France ou à la grande famille de l'université. Vous allez entendre, puis vous allez me dire, Adèle. Mm-hmm. L'on dit de la cour du bien de quelqu'un pour deux raisons. La première, afin qu'il apprenne que nous disons du bien de lui. Et la seconde, afin qu'il en dise de nous. Quelle idée vous faites de Radio France et tout et se passe devant le micro. C'est une chose très vraie. Alors, on y reconnaît l'esprit de La Rochefoucauld, qui vous expliquait que on n'est jamais généreux que pour la vanité qu'il y a à être reconnu pour généreux. Donc, il détruisait l'illusion du bien par le mal inconscient qu'il y a dessous. Vous voyez? C'est cela. Mais, en même temps, ici, c'est inséré dans une conduite qui est une conduite concrète. C'est-à-dire que c'est une observation de quelque chose de réel. Bref, je dirais que La Bruyère n'est pas seulement un enregistreur des défauts des hommes, un analyste, il est un scrutateur. Mmh. Et d'ailleurs, en cela, il est assez proche de son terrible patron, Monsieur le Prince, dont je vais me permettre, si vous le permettez, Adèle, de lire le portrait par Saint-Simon en quelques lignes. J'en ai Allez-y, puis après on écoutera, on commencera à lire les caractères quand même. Oui, mais j'en ai donné tout de même quelques éléments. Fils dénaturé, cruel père, mari terrible, maître détestable, pernicieux voisin, sans amitié, sans ami, incapable d'en avoir, jaloux, soupçonneux, inquiet sans aucune relâche, plein de manège et d'artifice, à découvrir et à scruter tout ce à quoi, à quoi il était occupé sans cesse. Vous voyez, cet homme était occupé à découvrir et à scruter. J'aime beaucoup ce verbe chez Saint-Simon. On a l'impression que Saint-Simon est comme influencé par La Bruyère, le grand scrutateur, vous voyez? C'est-à-dire celui dont le regard est en quelque sorte un instrument d'écriture, un instrument de pensée et un instrument d'écriture. Il y a une poétique du regard chez La Bruyère et une poésie même, une poésie sombre, une poésie terrible du regard. La formule « l'œil vivant » lui convient parfaitement. C'est véritablement des fulgurations de regard qu'il nous donne sur son temps, sur son présent immédiat qui résonne dans notre réalité. Oui, c'est ça. C'est de nous-mêmes qu'il semble parler dans ces pages, même si n'appartenons pas à une cour, enfin je ne crois pas pour la grande majorité d'entre nous. Écoutons sans plus attendre un extrait de la préface des caractères précédée, puisque ce texte a une influence considérable sur les écrivains des siècles qui lui ont succédé, précédée de quelques secondes de la voix d'Antoine Vitez, c'est la voix off du film d'Éric Rohmer, donc une adaptation des caractères de La Bruyère, et puis donc lu par Daniel Mesguich, un extrait de cette préface, écoutez ce ton et écoutez ce regard dont vous nous parliez. L'écriture de La Bruyère et la narration cinématographique ont en commun leur objectivité. L'auteur des caractères aborde l'homme de l'extérieur. Il ne retient de lui que le geste, le comportement. Il juxtapose une série d'actions, voire de pensées, qui paraissent recouvrir un vide intérieur. Je rends au public ce qu'il m'a prêté. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. Il est juste que, l'ayant achevé avec toute l'attention pour la vérité dont je suis capable et qu'il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. il peut regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature, et s'il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, s'en corriger. Ce ne sont point, au reste, des maximes que j'ai voulu écrire. Elles sont comme des lois dans la morale, et j'avoue que je n'ai ni assez d'autorité ni assez de génie pour faire le législateur. Je sais même que j'aurais péché contre l'usage des maximes qui veut qu'à la manière des oracles, elles soient courtes et concises. Quelques-unes de ces remarques le sont, quelques autres sont plus étendues. On pense les choses d'une manière différente et on les explique par un tour aussi tout différent, par une sentence, par un raisonnement, par une métaphore ou quelque autre figure, par un parallèle, par une simple comparaison, par un fait tout entier, par un seul trait, par une description, par une peinture. De là procède la longueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux enfin qui font des maximes veulent être crus. Je consens, au contraire, que l'on dise de moi que je n'ai pas quelquefois bien remarqué, pourvu que l'on remarque mieux. France Culture, Les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Et nous lisons les caractères de la Bruyère cette semaine aujourd'hui en compagnie de Patrick Dandré qui est avec nous depuis chez lui. Le texte nous renseigne sur le projet qu'on trouve dans ces caractères. Patrick Dandré, il y a cette première phrase remarquable, je rends au public ce qu'il m'a prêté, il y a presque une solennité ici de l'expression. Mais quelques lignes plus bas, on en apprend un peu plus sur ce projet. Il dit bien, le lecteur pourra regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature. Et s'il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, s'en corriger. Est-ce là le projet véritable de la Bruyère, essayer d'améliorer le caractère humain? C'est une tension forte entre le pessimisme de l'observation du présent et l'espoir d'un futur en voie d'amélioration qui est sans cesse démenti par l'observation de la réalité. Et l'admirable de la chose, c'est que tout ça est bâti, est inscrit, est projeté dans un genre qui lui-même est un genre, il l'explique bien, qui n'est pas celui de la maxime, du moraliste, mais celui du caractère, qu'il appelle les remarques, admirables. Dans Marc, il y a l'idée du poinçon dans la cire, un genre qui lui-même vient de l'Antiquité. Et qu'il imite, vous l'avez rappelé au début de l'émission, le titre de l'ouvrage, c'est « Les caractères de Théophraste mis en français » avec les caractères et mœurs de ce temps, le tout par la Bruyère. Et la Bruyère a lui-même traduit son Théophraste. Nous sommes donc devant une sorte d'extension du temps. Je prends dans le passé un modèle à la fois formel et puis de contenu moral, car chez Théophraste, il y a aussi des portraits du dissimulé, du flatteur, de l'impertinent. Donc Théophraste était un disciple d'Aristote, je le précise. Alors Théophraste était un disciple d'Aristote, oui, c'était d'ailleurs son meilleur disciple, le premier scolarque du lycée, il a vécu entre 322 et 371, c'était, ce qui m'intéresse beaucoup, un botaniste et un naturaliste, certes, et le Linné de l'Antiquité. Et il a observé les hommes, il a fait une anthropologie de classification. Et on retrouve cela chez la Bruyère, le modèle est véritablement imité de l'Antiquité, avec une classification de traits signifiants et concrets, sans déduction abstraite. Ce qui, du point de vue philosophique, et là je vous laisse la parole, chère Adèle, est assez complexe, puisque vous avez un inventaire de phénomènes, mais qui n'est pas phénoménologique, puisqu'il est au service d'une caractérologie qu'on peut dire ontologique, les hommes naissent comme ça, ça bouge pas. Et on peut lire des caractères qui ont été écrits au IVe siècle avant notre ère, lire les caractères de ce temps, tout ce qui change, ce sont les implications concrètes, la projection du caractère dans le concret, mais le caractère est universel, il est éternel, il est pérenne, et les hommes peuvent être définis par un texte du IVe siècle avant Jésus-Christ, comme par un texte du XVIIe, qui résonne encore dans notre présent à nous. Donc il y a d'un côté ce passé, puis de l'autre, il y a chez ce chrétien qu'est la Bruyère, une justification, qu'on trouve aussi chez Saint-Simon dont nous parlions, une justification du moraliste qui est, si je dis tant de mal des hommes, c'est parce que j'espère les modifier. Alors là encore, c'est un futur un peu ambigu, parce que l'efficacité morale est un peu incertaine. On a l'impression que d'édition en édition, vous savez qu'il y a 9 éditions hein, des caractères du vivant de la Bruyère, enfin la 9e est posthume, il y en a 9. Et à chaque fois, il y a ajouté de nouveaux textes grisés par le succès des précédents, c'est ça? Alors, il a ajouté des nouveaux textes. Et il a plus qu'ajouté, hein. Il a multiplié. Vous savez qu'au départ, il y avait 420 remarques, et dans la dernière édition, il y en a 1120. C'est donc le livre d'une vie... C'est presque triplé, ouais. Ah oui, et qui est un livre qui prend une expansion. D'ailleurs, les auditeurs sérieux, il y en a beaucoup en ce moment qui nous écoutent, ont certainement leur caractère de la Bruyère sous les yeux. Ils disent, mais enfin, qu'est-ce qu'on nous donne là? Cette préface, elle fait 7 pages dans mon édition et on nous en a lu à peine un quart. Ben oui, tout simplement parce que j'ai pris la préface de la première édition. Or, dès les éditions suivantes, dès la 4e notamment, la Bruyère truffe sa préface de nouvelles observations, et notamment sur ce caractère moral dont nous parlons, sur ce souci de corriger les hommes. Mais j'ai voulu, moi, donner la première. Alors, je l'ai donnée pour une raison, disons, radiophonique, parce qu'il ne faut pas être trop long. Mais je l'ai donnée aussi pour qu'on entende ce que la Bruyère voulait faire au départ. Et je trouve que le texte que nous avons entendu, que vous nous avez donné à lire dans la voix et la diction toujours admirable de Daniel Mesguich, ce texte est vraiment terrifiant de beauté, d'absolu. Je me disais en l'écoutant... Pourquoi terrifiant ? Ah ben, il est terrifiant parce que faire une émission pour raconter la Bruyère après ce qu'il a écrit, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut qu'être minable, quoi. C'est terrifiant parce que il a tout dit. Et il a tout dit avec une simplicité, une clarté, une évidence marmoréenne. Vous êtes là devant et vous dites, mais enfin, j'ai encore quoi, 40 minutes d'émission à tirer et je sais plus rien à dire. Ah, ça m'étonnerait. On a beaucoup de choses à dire. Tout a été dit et l'on vient trop tard depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent. Vous savez que c'est la première remarque citation. Des caractères. C'est une citation. Tout a été dit et l'on vient trop tard. Voilà, et c'est comme ça que commencent les caractères. Et je dirais donc que la Bruyère tendue entre ce passé magnifique, théophraste, cet avenir incertain, c'est-à-dire essayer de déterminer ce qu'il en est de la caractérologie théophrastienne de son temps, et puis ce présent qui le fuit au point que à chaque édition il faut en ajouter. Pourquoi? Mais je dirais pas seulement parce qu'il y a du succès, mais aussi parce qu'il cherche à être toujours plus précis. Il cherche à toujours saisir un futur en perpétuelle fuite, voyant que l'avenir, le présent lui file entre les doigts. Alors il court après de nouvelles remarques, de nouvelles observations. Et ces observations, et c'est là significatif, je crois, sont de pire en pire. Ah oui. C'est-à-dire que, oui, au fur et à mesure, ça va de plus en plus mal. Et je dirais même que le projet finit par se détruire. Vous savez que, au cours de l'une des rééditions, il écrira ce texte qui est terrifiant, qui est comme la destruction du projet des caractères au sein d'eux-mêmes. Les hommes n'ont point de caractère. Ou s'ils en ont, c'est celui d'en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démente point, et où il soit reconnaissable. Alors pourquoi écrire les caractères, me direz-vous? Vous voyez, il y a comme une prise de conscience d'un terrifiant relativisme qui fait que la classification bien arrêtée, l'ontologie anthropologique d'Aristote et de Théophraste, s'écroule devant un monde qui n'est que de vanité, de passage perpétuel, d'incertitude, de flottement, et la Bruyère devient une sorte de... Je dirais, il érige un barrage contre le Pacifique. Oui, ou alors au contraire, c'est le moment où il devient très fidèle à Aristote, qui c'est lui qui va mettre en œuvre l'idée même de caractère, montrant que c'est par le caractère qu'on peut saisir quelque chose de l'homme qui n'est pas forcément son essence fixe. Au fond, reconnaître que les caractères de l'homme sont sans cesse changeants, pardon, c'est être au plus près de ce qu'est la vérité de l'existence humaine. C'est cela, c'est-à-dire la prise de conscience du flux. La prise de conscience de l'avenir. Or, la Bruyère a commencé à écrire ses remarques en 70, c'est-à-dire en plein classicisme français. Et quand il meurt, quelques années avant 1700, eh bien, on a l'impression que le 18e siècle s'annonce déjà. Et tout à l'heure, vous preniez l'exemple du modèle du Grand Théâtre du Monde. Le Grand Théâtre du Monde est un modèle qui est en train d'entrer dans le passé au cours de cette deuxième moitié du 17e siècle. Et à la place, lui est substitué, comme l'avait bien montré le regretté Louis Van Delft, un autre modèle qui est celui du spectacle du monde. C'est très différent. Le théâtre du monde, il est vertical. Dieu est en haut, nous sommes la comédie, nous jouons toujours les mêmes actes et nous sommes toujours les mêmes acteurs. Le spectateur du monde, c'est un promeneur qui, sur l'horizontale du trottoir, regarde les comédies toujours diverses que les hommes se jouent les uns aux autres sans s'en rendre compte. C'est une perspective complètement différente. C'est une image d'ouverture vers un avenir indéfini. Ce n'est plus le monde clos du théâtre du monde, c'est le monde ouvert du spectacle du monde et de ces spectacles toujours inattendus. Eh bien, oui, il y a là un immense changement et La Bruyère a un génie suffisant pour le percevoir. C'est-à-dire que, comme vous le dites, il y a une forme d'aristotélisme dans cette remarque terrifiante, mais en même temps, il y a déjà la conscience d'une sorte de que La Bruyère est en train d'écrire une sorte de précis de décomposition. Mm-hmm. Je parlais de Cioran, hein, c'est le titre de son ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a comme une déréliction du projet qui apparaît et qui va fonder le projet d'une déréliction. Le projet de montrer que l'homme est dans un avenir perpétuel. Nous avons commencé par Shakespeare, il faudrait aller vers Marivaux. Eh bien, allons-y et surtout que le spectacle commence. Enfin, Richard, calme-toi, fais pas ton vieux snob. Snob? Eh, dis donc, je ne joue pas aux journalistes, moi. Snob toi-même. Snob, moi? Oui, snob, snob, snob, snob, snob, snob, snob, snob. Il m'a traité de snob. Oh ben ça, tu l'as bien cherché à faire le singe devant tout le monde pour te faire bien voir. Un singe est quand même plus intelligent qu'un snob, non? Un singe peut être snob, tandis qu'un snob ne peut être singe. Ça, c'est faux. Les snobs singent les snobs. Eh bien, dans ce cas-là, je vais aller snobber le gros badjou. Il est actionnaire à l'écho. Il m'appuiera. Je m'en fous. La ville est partagée en diverses sociétés qui sont comme autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages, leurs jargons, et leurs mots pour rire. Tant que cet assemblage est dans sa force et que l'entêtement subsiste, l'on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui part des siens. Et l'on est incapable de goûter ce qui vient d'ailleurs. Cela va jusqu'au mépris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leur mystère. L'homme du monde d'un meilleur esprit que le hasard a porté au milieu d'eux leur est étranger. Il se trouve là comme dans un pays lointain dont il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni les mœurs, ni la coutume. Il voit un peuple qui cause, bourdonne, parle à l'oreille, éclate de rire et qui retombe ensuite dans un morne silence. Il y perd son maintien, ne trouve pas où placer un seul mot et n'a pas même de quoi écouter. Deux années, cependant, ne passent point sur une même coterie. Il y a toujours, dès la première année, des semences de division pour rompre dans celle qui doit suivre. L'intérêt de la beauté, les incidents du jeu, l'extravagance des repas, qui, modestes au commencement, dégénèrent bientôt en pyramides de viande et en banquets somptueux, dérangent la République et lui portent enfin le coup mortel. Il n'est, en fort peu de temps, non plus parlé de cette nation que des mouches de l'année passée. Et oui, en guise de Marivaux, Patrick Dandré, on a eu Jean-Pierre Mocky, un extrait de son film Snob de 1962. Snob, c'est au pluriel et avec un point d'exclamation, s'il vous plaît. Bah c'est, ça s'applique très très bien, ce mot désigne très bien ce qu'est en train d'écrire La Bruyère dans ce texte, non? Exactement, et j'ai envie de vous laisser la parole à vous, chère Adèle, qui avait co-signé un livre. Non, vous avez co-signé un livre. C'est vrai, sur le snobisme. Vous êtes donc la Bruyère de notre époque. Oui, ce snobisme est particulièrement significatif, je trouve, de ce rapport entre l'éphémère. Vous savez que La Bruyère est très sensible à la mode, hein, à toutes ces choses qui passent. Il a même un chapitre entier qui s'appelle « De quelques usages » ou encore un autre « De la mode ». De la mode, oui. Donc la sensibilité au fugace, au fuyant, et puis le fait d'étendre cela, d'étendre le constat à une telle dimension d'absolu, de pérennité, que on retrouve quasiment dans le monde parisien d'aujourd'hui ou d'hier, ou celui, je dirais, de Proust, parce qu'enfin, c'est un peu le salon Verdurin qu'il nous décrit, les éléments qu'il a tirés de son présent à lui. C'est pour ça que on peut dire de lui qu'il est le maître des horloges, puisqu'il passe par un homme du passé comme Théophraste, qui lui donne une caution pour dégager des éléments de vérité qu'il observe dans la réalité du présent et qu'il envoie vers nous. Et lorsque nous avons ôté quelques-uns des éléments qui sont des éléments, je dirais, vieillis, ce qui est normal parce que le présent est le sien et pas le nôtre, on retrouve les arcanes, les composantes. Je dirais que la décantation a été parfaite, et c'est d'ailleurs ce à quoi sert le détour par les anciens. On n'imite pas les anciens parce qu'ils sont anciens, on les imite parce que s'ils sont venus jusqu'à nous, du moins ceux qui sont venus jusqu'à nous, c'est qu'ils avaient su dégager du réel la part de vérité éternelle qui fait qu'ils nous intéressent toujours, alors que nous n'avons plus les mêmes mœurs, la même religion, les mêmes pouvoirs politiques et autres. Et la Bruyère essaie de faire pareil, c'est-à-dire de décanter dans les sociétés de précieux, de salons, de cercles de son époque, ce qu'il y a de pérenne qui nous parle encore. Vous avez remarqué que dans ce texte, le seul élément vraiment concret, c'est la pyramide de viande, c'est-à-dire la pyramide de nourriture. Le reste, c'est de l'observation qui est un peu, je dirais, décharnée, mais qui est parfaitement adaptable à n'importe quel contexte. Texte. J'ai l'impression que c'est comme une trame. Je vois souvent la Bruyère comme un pêcheur avec un filet aux mailles acérées, certes, mais les mailles, c'est quand même ouvert. Et donc, il pêche, et ce filet est adaptable à n'importe quelle mer, à n'importe quelle époque. Et ici, dans cette petite phénoménologie du snobisme salonnier, où l'on trouve tous les ingrédients, d'ailleurs, du snobisme, c'est-à-dire la clôture, la connivence non partageable, c'est le premier élément. Barthes l'avait bien défini, et quand il parlait des caractères, et quand il parlait de notion de snobisme, la clôture. Ensuite, l'assomption du paraître, avec cet univers qui est tout de signes et de codes. Et là, on peut bien parler de théâtralité et même de jeu. Et puis, bien sûr, l'élément fondamental, qui est la vacuité, qui est la vanité, c'est-à-dire l'éphémère, l'inanité, la mode, une espèce de carrefour du néant, qui fait que ce maître des horloges, je dirais, donne l'heure la plus exacte, la seconde près, sur une horloge de l'éternité. Après tout, c'est lui qui a écrit, c'est un métier de faire un livre comme de faire une pendule. Eh ben, sa pendule, elle sonne exactement l'heure de cet émiettement du temps dans la pulvérisation de l'instant qui nous paraît tellement actuel. J'aimerais d'ailleurs vous lire une autre remarque, si vous le permettez, chère Adèle, que je dédie à tous les gens accrochés à leur téléphone portable qui, un jour, dans un transport en commun, ont pu m'agacer. Voici, c'est dans le chapitre des femmes, donc c'est au féminin, mais on peut le mettre au masculin aussi. Pénible coutume, asservissement incommode, se chercher incessamment les unes les autres, avec l'impatience de ne se point rencontrer. Ne se rencontrer que pour se dire des riens, que pour s'apprendre réciproquement des choses dont on est également instruite, et dont il importe peu que l'on soit instruite. N'entrer dans une chambre précisément que pour en sortir, ne sortir de chez soi l'après-dîner que pour y rentrer le soir fort satisfaite d'avoir vu en 5 heures, 3 Suisses, une femme que l'on connaît à peine et une autre que l'on aime guère. Qui considérerait bien le prix du temps et combien sa perte est irréparable, pleurerait amèrement sur de si grandes misères. Vous voyez, je pense que le téléphone portable n'a pas vraiment résolu ce problème. C'est un problème de société. C'est ça, mais il ne l'a pas résolu, mais il ne l'a pas non plus amplifié. Il n'a fait que le rendre visible. Au fond, si on prend la Bruyère au sérieux, et de même que si on prend Sioran au sérieux, puisque vous les avez comparés, quoi que nous fassions, notre existence est vaine, que nous nous agitions, que nous nous divertissions, comme dirait Pascal, ou que, tel Oblomov, on passe ses journées allongées à ne rien faire. Si l'existence est vaine, alors à quoi bon de toute façon ? Il reste ce sur quoi la Bruyère s'appuyait, c'est-à-dire la religion. Et c'est ça le futur véritable. Le futur véritable, c'est l'éternel. C'est-à-dire l'idée qu'il y a en l'homme une authenticité à chercher, qu'il y a en l'homme quelque chose qui est récupérable tout de même. Vous voyez, dans les remarques qu'il a appliquées à l'amour, dans Du cœur, qui sont peut-être parmi les premières, ça ressemble beaucoup aux remarques, aux maximes de Madame de Sablé, que La Rochefoucauld admirait. Il y a beaucoup de choses très négatives sur l'amour, mais il y a celle-ci que je dégage, qui est tout de même, pour une fois, quelque chose de positif. On est lundi matin, il faut quand même pas que nos auditeurs partent avec l'idée d'une semaine trop triste. Être avec des gens qu'on aime, cela suffit. Rêver, leur parler, ne leur parler point, penser à eux, penser à des choses plus indifférentes, mais auprès d'eux, tout est égal. Vous voyez, ça, c'est une toute petite musique qui s'entend dans la cacophonie universelle. Il n'y a pas seulement ce que la Bruyère dénonce, c'est le propre d'un moraliste de dénoncer, donc il est sombre, et c'est normal, puisqu'il ne regarde que les défauts. Mais il y a quand même, en soustraction, des éléments sur lesquels on puisse un peu s'appuyer. Il y a peut-être une sorte de position à trouver, si vous voulez, de posture à trouver, ne serait-ce que dans l'observation qui donne un appui, une solidité à cet édifice d'inanité qu'est le monde de la Bruyère. Regardez comme cette maxime est parfaite. Après tout, je parlais du Salon Verdurin. Que fait Proust, sinon nous dire que rien ne vaut, sinon l'œuvre d'art, c'est-à-dire l'œuvre littéraire que nous sommes en train de lire, et qu'après avoir fait le tour de l'amour, de l'amitié, du monde, etc., c'est-à-dire ce qu'a fait la Bruyère, véritablement, il reste cela qui est la beauté de l'œuvre d'art. Alors on me dirait, il reste chez la Bruyère la grandeur aussi de la religion, à cela près que la religion était revenue à la cour, vous savez, c'était l'époque de Madame de Maintenon, l'époque donc d'un certain tour de sérieux retrouvé dans la vie, mais vous savez ce que disait la Bruyère, je cite de mémoire, peut-être bien, un dévot est celui qui serait athée sous un roi athée. Donc vous voyez, même la religion, on n'en est pas très sûr, mais il reste cela, il reste cette écriture de Mosaïs, enfin, on le voit avec sa pince ou son scalpel, prenant chacune des tesselles ou pour constituer la marqueterie des caractères avec cette écriture parfaite, ce désir absolu de dire le vrai qui le fuit, par touche, c'est un peintre pointilliste, par pointe, c'est un écrivain plein d'acuité. Bien sûr, il a un poignard dans la main, mais son poignard, c'est un scalpel. Et puis aussi par ébauche. Je parlais tout à l'heure de ce fichier de notes. Si la Bruyère était un écrivain, ce serait Proust ou ce serait Stendhal. Et rien que le fait d'avoir pu constituer ce monument, je ne sais pas si c'est un monument éternel, mais c'est un monument parfait, ça suffit à, je dirais, rédimer, à racheter tout ce qu'il dit de mal de l'humanité, parce qu'il y a quand même la possibilité de faire cela. Et en somme, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, la déréliction du projet est transformée en projet de déréliction. Le projet d'une très belle déréliction, et qui fait que ce précis de décomposition nous reste, et si c'est un miroir peut-être déformant, peut-être chargé, il y a des moments où l'heure est si exacte sur la pendule de chez Temporel, que nous ne pouvons qu'en éprouver la satisfaction d'être assez intelligents pour voir combien nous sommes sots. Précis de décomposition, c'est le titre d'une œuvre de Suran, dont on reparlera bientôt d'ailleurs sur les chemins de la philosophie. Patrick Dandré, qui est Télef ? Alors Télef, eh bien, c'est la réponse à tout ce que nous venons de dire et à tout l'effroi dans lequel nous nous sommes jetés, vous et moi, en entraînant avec nous ceux de nos auditeurs qui n'ont pas déjà décroché pour aller se pendre. Télef, c'est l'ébauche d'une réponse, en creux, bien sûr, sur comment retrouver l'authenticité dans un monde qui est un monde d'inanité, de mensonges, de mode et d'artifice. Télef a de l'esprit, mais 10 fois moins de contes faits qu'il ne présume d'en avoir. Il est donc, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il médite et ce qu'il projette, 10 fois au-delà de ce qu'il a d'esprit. Il n'est donc jamais dans ce qu'il a de force et d'étendue. Ce raisonnement est juste. Il a comme une barrière qui le ferme et qui devrait l'avertir de s'arrêter en deçà. Mais il passe outre, il se jette hors de sa sphère. Il trouve lui-même son endroit faible et se montre par cet endroit. Il parle de ce qu'il ne sait point et de ce qu'il sait mal. Il entreprend au-dessus de son pouvoir. Il désire au-delà de sa portée. Il s'égale à ce qu'il y a de meilleur en tout genre. Il a du bon et du louable, qu'il offusque par l'affectation du grand ou du merveilleux. On voit clairement ce qu'il n'est pas, et il faut deviner ce qu'il est en effet. C'est un homme qui ne se mesure point, qui ne se connaît point. Son caractère est de ne savoir pas se renfermer dans celui qui lui est propre et qui est le sien. Je n'arrive pas à savoir, Patrick Dandré, si ce texte est critique ou élogieux. Il se situe exactement entre les deux. Exactement, oui, oui. Si vous voulez, il nous dit que l'homme qui se mesure n'est pas rien. L'homme qui se mesure est tout. Il pose l'énorme, l'immense problème de la morale, de l'anthropologie du classicisme français. Il oppose Philinte à Alceste. Il nous dit que l'application, les vertus les plus absolues, les plus parfaites, ne sont rien si elles sont appliquées à mauvais escient. Il nous dit que la qualité de ce que l'on est n'est plus rien si on croit que le talent qu'on a pour le violon est supérieur à celui pour la peinture quand on s'appelle ingre. C'est le problème du violon d'ingre. C'est-à-dire que il nous donne en creux cette géométrie variable du vrai entre le dogmatisme qui est pulvérisé par l'observation des hommes et le relativisme qui nous entraînerait à ce que vous disiez tout à l'heure, puisque rien n'existe, puisque tout est éparpillé, autant se laisser aller à la mode. Il nous donne l'exacte solution de ce temps-là, la solution de Philinte, l'appropriation raisonnée et naturalisée des valeurs et des conduites aux situations concrètes. C'est-à-dire nous donne. Parce que là, vous présentez les choses comme une solution, donc on a envie de la comprendre. L'authenticité comme critère de vérité dans une éthique de la juste proportion. Savoir être toujours soi-même, saisir l'instant, le kairos, le moment, où l'on doit constamment réadapter sa personnalité, son caractère, son talent et son système de valeurs aux nécessités du moment par la maîtrise de soi qui permet de s'accomplir totalement, d'accomplir le moi dans la tempérance, en emboîtant le pas à la nature, donc sans sacrifier l'originalité de son tempérament, sans être une espèce de modèle précontraint, si vous voulez, sans sacrifier l'authenticité de l'impulsion ou la singularité des conduites, qui après tout font le sel de la vie, et de la vie sociale notamment, mais sans attenter non plus à l'harmonie ou à la mesure, trouver la technologie de la bonne fabrique de soi, savoir s'analyser, gnotisser automne, se connaître soi-même, et en se connaissant soi-même, savoir où l'on peut exceller et ne pas excéder l'endroit de son excellence. Et c'est cette sagacité, si vous voulez, ce que j'appelle une arithmétique de la proportion, qui découle de l'idée que la vérité étant mouvante, il faut sans cesse faire des réadaptations du rapport de soi à soi-même et de soi au monde. Et c'est dans ce rapport d'exactitude que nous serons à la fois beaux, bons et justes. Rien ce que ça. L'élève ne sait pas être, vous voyez. Tout ça est juste derrière. Et l'écrivain classique nous aide à ça. Il nous aide à saisir ce rapport exact, cette justesse, qui fait que l'anthropologie figée d'autrefois, rigide, close, n'est plus de saison. La Bruyère l'a compris. Mais il y a possibilité pour une éthique de la relativité, une conscience de la variabilité, une permanence de l'inconstance. Si vous voulez, c'est l'art du voltigeur, c'est l'art du trapéziste, c'est savoir se tenir exactement à l'endroit où l'on va être en équilibre. C'est une image de l'équilibre. Et autant il y a une image du classicisme français académique, rigide, rigoureux, empesé, caduque, autant il y a chez les plus grands cette image de la variabilité, de l'appropriation. Est-ce que vous me permettez de lire un texte de La Rochefoucauld dont nous avons parlé, très très court, qui va définir ce qu'est la vérité. Et il dit « Le vrai, dans quelque sujet qu'il se trouve, ne peut être effacé par aucune comparaison d'un autre vrai, et quelque différence qui puisse être entre deux sujets, ce qui est vrai dans l'un n'efface point ce qui est vrai dans l'autre. Ils peuvent avoir plus ou moins d'étendue, être plus ou moins éclatants, mais ils sont toujours égaux par leur vérité, qui n'est pas plus vérité dans le grand que dans le petit. Quelque disproportion qu'il y ait entre deux maisons qui ont les beautés qui leur conviennent, elles ne s'effacent point l'une l'autre. Ce qui fait que Chantilly, c'était la demeure des Condé, n'efface point Liancourt, c'est la demeure des La Rochefoucauld. Les Rochefoucauld sont des ducs, les Condé sont des princes de sang. Ce qui fait que Chantilly n'efface point Liancourt, bien qu'il ait infiniment plus de diverses beautés. Et que Liancourt n'efface pas aussi Chantilly, c'est que Chantilly a les beautés qui conviennent à la grandeur monsieur le prince, et que Liancourt a les beautés qui conviennent à un particulier, et qu'ils ont chacun de vraies beautés. C'est ça la justesse et la proportion. C'est le contraire du bourgeois gentilhomme de Molière, qui se construit un palais qui peut être beau, mais qui ne lui convient pas. C'est-à-dire que les valeurs de vérité, de beauté, de libéralité, qui sont absolues par principe, ne s'en définissent pas moins dans leurs applications en termes de proportion, de convenance et de comparaison. La part d'absolu que contient cette logique n'induit donc pas un systématisme stéréotypé. Et de son côté, la part de relativité qu'elle suppose n'implique pas le relativisme. Tout ne se vaut pas, il y a du vrai. Mais le vrai doit se réadapter en fonction de la convenance aux situations, aux personnes, aux moments. Et c'est cela, la pondération, faite de mesures sans cesse recalculées, d'équilibres sans cesse rétablis, qui imprime à la doctrine classique sa plasticité, en fait sa vie. Oui, en fait, et qui c'est... fait que ouais. C'est du vivant. Et c'est la rencontre entre Aristote d'un côté, le penseur de la juste mesure et de l'équilibre, et Pascal de l'autre, avec un décor baroque au fond. Si l'on veut, oui, il y a cela. Et pour ma part, c'est plutôt la rencontre de Molière et La Fontaine, vous voyez, oui. Qui sont des contemporains et de La Bruyère et qui ont cette même capacité qui se projette dans la littérature et dans une littérature avouée pour avoir une vertu poétique. Vous savez, Barthes disait que chez La Bruyère, le concept est caché sous le percept. Alors, je dirais plutôt que le percept est déjà un concept incarné. Je fais pas le dualisme. Chaque observation de La Bruyère, c'est déjà une idée. Mais c'est une idée qui ne prend pas la forme d'une théorisation. Ce n'est pas Descartes, ce n'est pas Aristote. C'est une idée qui vit et qui vibre dans l'éclat et la lumière d'un regard. Il y a une vertu poétique et herméneutique du regard, analogue à celle que donne La Fontaine au récit de fable ou Molière au ridicule comique. Et de ce point de vue, on pourrait citer d'ailleurs une remarque de La Bruyère dans Des ouvrages de l'esprit, qui est son premier chapitre, où il parle des livres et où il dit « Le philosophe, c'est lui, consume sa vie à observer les hommes et il use ses esprits à en démêler les vices et le ridicule. S'il donne quelques tours à ses pensées, ça c'est l'écrivain, c'est moins par une vanité d'auteur que pour mettre une vérité qu'il a trouvée dans tout le jour nécessaire pour faire l'impression qui doit servir à son dessein. » Et ce mot impression, je le trouve magnifique, parce que pour moi, il est l'équivalent en littérature de l'évidence cartésienne. Je n'oublie pas que nous sommes sur les chemins de la philosophie, chère Adèle. Hein? L'évidence cartésienne, c'est-à-dire la chose qui saute aux yeux de l'intelligence. Vous savez, la formule de Descartes, ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être tel, par l'évidence. L'évidence, c'est la lumière de l'esprit. C'est le critère et l'effet du vrai au service de la dénonciation du monde, de la fausseté, de la dénonciation de la fausseté du monde. Et c'est cela qui fait de La Bruyère non seulement un écrivain, mais un poète. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui atténue son pessimisme. Est-il pessimiste celui qui passe des années à écrire des remarques, à faire des observations qu'il couche sur le papier, des réflexions littéraires pour les transmettre à d'autres et qui veut rendre au public ce qu'il lui a emprunté? Il y a bien quelque chose comme qui est de l'ordre, peut-être pas de l'espoir, peut-être pas de la foi, mais d'une espèce de désir d'être là malgré tout. C'est d'ailleurs le résumé dans une remarque de La Bruyère qui dit tout. Il dit à propos de sa propre œuvre, de ce qu'il a fait, « Si on ne goûte pas ses caractères, je m'en étonne, et si on les goûte, je m'en étonne aussi. » C'est exactement cela, c'est-à-dire que c'est horrible et c'est magnifique. Il n'est pas de serpent ni de monstre odieux qui, par l'art imité, ne puisse plaire au Dieu. C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'il y a un travail de pureté, vous savez ce que dit Proust à la fin de son œuvre, hein, en inscrivant, en transcrivant avec l'honnêteté absolue, la perfection de l'observation, toute l'horreur du monde qu'il a vu, on peut faire un grand livre qui contienne en lui-même cet éclat d'intuition, cette évidence qui est le tintement d'une cuillère sur une porcelaine ou un pied qui bute sur le pavé d'une place de Venise et qui, en transcendant le temps, nous donne une saisie de l'éternité. Il y a quelque chose du même genre dans les tesselles que La Bruyère laborieusement met côte à côte pour fabriquer ces immenses mosaïques qui sont des portraits à la fois éternels, présents, contemporains, futurs, et qui sont un immense poème à la gloire de l'horreur qu'est l'être humain. On va se quitter avec cette phrase. Merci beaucoup Patrick Dandré, merci infiniment de nous avoir parlé de La Bruyère et des caractères ce matin, de nous avoir donné envie de les lire. C'est ce qu'on va faire toute cette semaine évidemment, et on va se quitter avec une version contemporaine des caractères. Ils ont influencé tellement d'écrivains, hein. Vous avez cité Barthes, Proust, pour ne citer que. Et vous fustigiez tout à l'heure l'utilisation des téléphones portables qui envahit notre vie. Bien, parfois derrière l'écran, il se passe des choses intéressantes. Voici donc une version contemporaine des caractères par Lison Daniels, un compte que vous trouvez sur Instagram, et enfin une version shakespearienne de notre rôle à jouer à tous, Joe Star. Descends. Voilà, là t'es au centre du plateau, Dylan, d'accord? Au reste, il occupe l'espace, il se fout pas en jardin arrière pour déclarer sa flamme à Hermione, ok? On n'est pas dans un drame bourgeois. J'ai mendié la mort chez des peuples cruels. La diérèse, putain, Dylan, si tu m'enlèves un pied, je t'enlève un pied. Œil pour œil, hein. Et puis goûte les mots, par pitié, c'est une arme ce verre, c'est pas ton ennemi. Ouais, mais fais gaffe à ton adresse, ça part de ton centre. Stop. J'ai un souci là. Tu sais comment ça se finit cette histoire? Hermione va se suicider et Horace va devenir fou, ok? Ça s'appelle la fatalité. Là, ce que tu me joues, ça pue l'éventualité. Donc infuse-moi du destin, du fatum, d'accord? On est chez les jansénistes là, Dylan, c'est important que ça nous traverse. Ouais, et maintenant ton intériorité, trouve la générosité de ça. Faut aller le chercher en toi, dans les replis de ta psyché. Et moi, j'ai pas à savoir par quel chemin, parce que ça, c'est ta cuisine intérieure, c'est ta tambouille perso. C'est ça qui te définit en tant qu'acteur au plateau, qui nous apprend quelque chose sur notre humanité. Ok, Dylan? On y retourne. L'invité, Oxmo Puccino, chacun sa vie, chacun son rôle. Dans mes manches, je suis devant ma page blanche, faut pas que mon flow flanche. J'ai ce sentiment de plénitude, toujours constant, une impression de survétal se réactivant. Tous les jours je joue à fond le rôle de ma vie. Je sens comme une poussière sur l'échelle du temps infini. Pas besoin d'exagérer la réalité du péril. C'est pas le raconte qu'on fait qui me fait perdre le fil. Sans faire semblant de découvrir la lune, même si comme activiste je fais figure de poids plus. Je peux pas secourir, mais au moins soulager. Seul éveil des consciences dans ma musique est beauté. Chacun sa vie, chacun son rôle, Joe Star, featuring Oxmo Puccino sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps d'atterrir et de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour cher Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question du jour, la voici. À qui appartiennent les paysages? Alors, j'ai vu apparaître un jour entre Veules-les-Roses et Saint-Valery-en-Caux six immenses éoliennes et j'en ai été désolé car c'était mon paysage préféré. Mais il est vrai que j'aimais aussi depuis toujours, un peu plus loin sur la côte Laval, les quatre dômes gris de la centrale nucléaire de Paluel. Alors, j'ai fini par accepter les éoliennes, par accepter que le tranchant de la falaise soit fissuré ainsi par ces éclairs statiques et clignotants. Je suis même impatient, car je connais les endroits près de l'épave du Céron où on devrait les voir à marée basse, qu'on construise enfin un EPR en amont sur le site de Penly. Et je remercie la mer d'avoir fait tomber, il y a 200 ou 300 ans, le village d'Épineville pour dégager la vue. Oui, vous avez une conception, disons, inclusive des paysages. Inclusive, infiniment. C'est pour ça que je vous parle de l'endroit le plus plat que je connaisse. La quantité de choses qu'on arrive là-bas à mettre dans le paysage me fascine. Les paysages appartiennent ainsi aux choses qu'on met dedans. Le paysage n'est pas une entité éternelle, c'est même quelque chose de productif. À l'automne apparaissent ainsi des terrils de betteraves sucrières que la raffinerie de Fontaine-le-Dain brûlera tout l'hiver en fabriquant les nuages qui manquent au-dessus de la centrale de Paluel refroidie par l'eau de mer. Mais on peut, en s'avançant sur des chemins risqués, compenser l'absence de ces nuages en découvrant le fragment de Land Art que forme sa jetée invisible, mieux qu'invisible, visible de moi seul. Vous voulez dire que le paysage appartient à celui qu'il regarde ? Ben, c'est l'hypothèse la plus certaine, mais à peine formulée, j'entends, à travers l'épaisseur crayeuse du temps, les réclamations posthumes de quelques fossiles humains que ce paysage a conservé en lui, soldats écossais s'étant laissés descendre à la falaise avec des cordes trop courtes, opérateurs radars de l'OTAN morts dans l'incendie de leur base souterraine dont il ne reste, providence trop tardive pour les soldats écossais tombés qu'une porte trop haute, énigmatique, à mi-falaise. Le paysage est un objet mystérieusement distribué et le partage est toujours en cours. Il faudrait imaginer une sorte d'arbitre et soudain, le paysage est aspiré par une entité mystérieuse, satellitaire ou divine. Alors là, oui, ça veut dire qu'il y aurait une approche théologique du paysage. Eh oui, et c'est ce dont j'ai eu l'intuition en montant en Mayenne au sommet d'une colline sur laquelle on avait construit une chapelle et de laquelle des yeux exercés, j'avais pris mes jumelles avec moi, pouvaient deviner l'existence d'autres édifices religieux comme la singulière basilique d'Evron, qu'on dirait sortie d'une ville de Game of Thrones. Pris d'une sorte de poussée mystique, j'ai alors confondu mon excursion matinale avec un chemin de croix et j'ai regardé toutes les églises des alentours comme des éponges vinaigrées, ni tout à fait désaltérantes, ni franchement hostile. Je n'ai en tout cas pas été surpris quand je suis redescendu sur le parking d'entendre les sifflements d'un drone très loin, au-dessus de ma tête, alors que celui qu'il commandait, lieutenant de Dieu sur un parking, n'était qu'à quelques mètres de moi. Et donc pour répondre à votre question, à qui appartiennent les paysages, la réponse serait que le paysage appartient à celui qui occupe la position la plus élevée. Bah cela aurait le désavantage, c'est le problème, d'exclure les vaillants vététistes qui venaient de franchir le portillon anti-gibier pour attaquer le versant le plus à pic de la colline. Le paysage était aussi dans l'air comprimé de leur suspension et j'ai du mal à imaginer un dieu qui descende jusqu'à ces espaces huileux et étanches. Seul un elfe tout au plus arriverait à s'y plaire au risque de rétrocéder le paysage de la chrétienté au paganisme antérieur. À moins que le paysage, ce serait la composante cachée des théories écologiques, soit son propre dieu, sa propre divinité tutélaire, et que ce soit moins nous qui le regardions que lui qui nous anime. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre question philo est à réécouter sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci, un immense merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Baptiste Botella, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette émission cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Clément Daté. À la lecture des textes cette semaine, Daniel Mesguich. Et vous avez entendu également la voix de Denis Podalydès. Merci également au Livre de Poche et à son édition des Caractères de la Bruyère que je vous recommande de lire, chers auditeurs. En écoutant ces émissions ou après coup, peu importe, vous pouvez picorer des textes à votre guise. On va tout faire pour vous donner envie, en tout cas, de le faire. On se retrouve demain pour la suite de cette série. Demain, on sera en compagnie de Béatrice Guillon. On se demandera si le naturel existe ou si tout n'est qu'artifice, précisément. C'est une question qu'on trouvera au cœur des caractères et ce sera l'occasion aussi de réfléchir à ce qu'est un caractère. La définition n'est pas aisée. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission, par exemple, en téléchargeant l'application Radio France, qui vous permet d'écouter toutes les émissions de chaque groupe de Radio France en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous écoutez les émissions que vous voulez, à l'heure que vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.